Dossier 12. Première partie. Le concours de pétanque. Il y a un concours de pétanque sur la place du village. Bernard et Corinne se font expliquer les règles. Pourquoi est-ce qu'il trace un cercle avant de jouer ? À la pétanque, il y a des règles très strictes. Chaque joueur doit lancer sa boule exactement du même endroit. Je ne comprends pas bien la différence entre tirer et pointer. Tirer et pointer, c'est tout l'art de la pétanque. Moi, par exemple, j'étais un bon tireur. Je pouvais chasser une boule qui était collée au cochonnet. Tu oublies de dire que tu dégommais le cochonnet en même temps et que tu le rapprochais des boules de l'équipe adverse, ce qui fait qu'on ne gagnait jamais. Quel menteur tu fais ! Une fois, on a été jusqu'en demi-finale. Mais oui, c'est la fois où tu as été malade et où Maurice t'a remplacé. Je vous laisse à vos souvenirs. Il faut que je retourne à la cuisine. Oui, moi, on m'attend au café. Un peu plus tard, à la terrasse du café, Patrick Duval tient une coupe et fait un discours. En tant que président de l'Amicale des joueurs de pétanque, j'ai l'honneur de remettre cette coupe à l'équipe du Cercle de Falicon, les grands vainqueurs de cette année. Bravo, félicitations. Mais je voudrais aussi en profiter pour vous dire combien je suis content que cette remise se fasse ici, chez Bernard et Corinne Lemoine. Le soir, la salle du restaurant est pleine. Corinne fait le service. Ah oui, le pain. Voilà. Un client arrive, seul. C'est le même client que le soir de l'ouverture. Oh, quelle bonne surprise. C'est gentil d'être revenu. Oui, je passais par là. Et vous avez beaucoup de monde aujourd'hui. Ah oui, je sais. Vous ne supportez pas le monde. Vos nerfs. Ça va plutôt mieux. J'en suis ravie. Il n'y a plus de place. Corinne lui montre une place dans un coin, celle qu'il avait déjà occupée. Ah, vous voyez ? Elle est faite pour vous. Asseyez-vous. Mais vous savez, aujourd'hui mon mari a fait un menu unique. Il n'aura pas le temps de vous préparer quelque chose de spécial. Qu'est-ce qu'il y a dans le menu ? Alors, des tomates au basilic. De l'agneau de cisteron aux herbes avec du gratin de légumes, un plateau de fromage et de la mousse de fruits rouges. Ça a l'air très bien. Oui, mais enfin pour votre estomac. Mon estomac va beaucoup mieux. Bon, eh bien je vais m'occuper de vous.